rien à dire, vous accrochez à vos branches. Vous n'êtes que des cadavres des plus d'une décomposition qui a bientôt au pouvoir, nous accéderons. Résister ou fuir, ne servez à rien. Entre nos mains, vous ne serez que des pantins. Aucune sous-race ne survivra. Et bientôt votre dernier homme s'en tournera. Hey! Reprenons notre place, il est grand temps. Reprenons notre place, faisons le pour nos enfants. Reprenons notre place, il est grand temps. Reprenons notre place, faisons le pour nos enfants. Nos idées à jamais sont éternelles. Elles seront les plus pures et les plus belles. Vous n'existerez plus, même dans nos mémoires. Enfin notre race retrouvera sa gloire. Jamais nos enfants ne grandiront à vos côtés et retrouveront leur pureté. Notre rage continuera de couler dans leurs veines, puis de leur entraille rejaillira notre haine. Hey! Reprenons notre place, il est grand temps. Reprenons notre place, faisons le pour nos enfants. Reprenons notre place, il est grand temps. Reprenons notre place, faisons le pour nos enfants.